1875, mardi 28 décembre. J'ai froid, ma bouche brûle. Je sais bien que c'est indigne d'un esprit fort de s'abandonner à un vil chagrin, de se ronger les doigts pour les dédains d'une ville comme Nice. Mais secouer la tête, sourire avec mépris et ne plus y penser serait trop fort. Pleurer rager me fait plus de plaisir. Je suis arrivé à un tel énervement que chaque morceau de musique qui n'est pas un galop me fait pleurer. Dans chaque opéra, je me retrouve, les paroles les plus ordinaires me frappent au cœur. Un pareil état ferait honneur à une femme de 30 ans. Il paraît que Dieu ne m'entend pas. Pourtant, je crie assez fort. Je crois que je dis des impertinences au bon Dieu. En ce moment, je suis si désespérée, si malheureuse, que je ne désire rien. Si toute la société ennemie de Nice venait s'agenouiller devant moi, je ne bougerais pas. Si, si, je lui donnerais un coup de pied, car enfin, qu'est-ce que nous leur avons fait? Mon Dieu, est-ce que toute ma vie sera ainsi? Lundi, il y aura un tir au pigeon. Je ne m'en inquiète seulement pas. Et avant? Je voudrais posséder le talent de tous les auteurs réunis pour pouvoir donner une juste idée de mon profond désespoir, de mon amour-propre blessé, de tous mes désirs contrariés. Il suffit que je désire pour que rien n'arrive. Trouverai-je jamais un chien de la rue, affamé et battu par tous les gamins? Un cheval qui, depuis le matin jusqu'au soir, traîne des poids énormes? Un âne de moulin, un rat d'église, un professeur de mathématiques sans leçon, un prêtre destitué, un diable quelconque, assez écrasé, assez misérable, assez triste, assez humilié, assez abattu, pour le comparer à moi. Ce qu'il y a d'affreux chez moi, c'est que les humiliations passées ne glissent pas sur mon cœur, mais ils laissent leurs traces hideuses. Jamais vous ne comprendrez ma situation, jamais vous ne vous rendrez compte de mon existence. Vous rirez, riez, riez. Mais peut-être se trouvera-t-il quelqu'un qui pleurera. Dieu, ayez pitié de moi, entendez ma voix, je vous jure que je crois en vous. Une vie comme ma vie, avec un caractère comme mon caractère. Je n'ai même pas les amusements de mon âge. Je n'ai même pas ce que chaque Américaine jupe retroussée a. Je ne danse même pas.